cet air-là, de cette chanson, t'en souviens-tu? Il y a si longtemps qu'on ne la chante plus. Elle disait, je crois, on s'aimera toujours. Crois-tu que vraiment on s'aime autant qu'au premier jour? Si tu le veux bien, donne-moi la main, les violons du bal joueront longtemps pour notre amour. Danse avec moi ce soir encore, laisse aller ton corps où mon cœur l'amènera. Joue contre joue, on est si bien, j'ai 20 ans de moins, alors prends bien garde à toi. Les violons du bal jouaient cet air-là et cette chanson. T'en souviens-tu, en nous ouvrant le cœur, nous apporter bonheur. Elle disait, je crois, on s'aimera toujours. Je sais maintenant qu'on s'aime autant qu'au premier jour. Si tu le veux bien, garde-moi la main, violons du bal joueront longtemps pour notre amour. Notre amour, les violons du bal. Comme toujours, on se déchire. Alors qu'on pourrait s'aimer, on préfère encore souffrir plutôt que se l'avouer. Ce n'est jamais de sa faute, mais toujours celle de l'autre, d'éternellement se quitter pour se retrouver. Et si pour une fois on baisse les armes, fierté de côté, les guerres oubliées, on se regardait face à face. Enfin pour une fois, accorder nos larmes, savoir accepter, raser le passé et avancer toi et moi. Comme toujours on veut l'amour dont on a rêvé, comme un penchant pour le pire, un meilleur à condamner. Mais on est là côte à côte, à se rejeter les fautes, voir qui sera le premier à s'abandonner. Et si pour une fois on baissait les armes, fierté de côté, les guerres oubliées, on se regardait face à face. Enfin pour une fois, accorder nos larmes, savoir accepter, raser le passé et avancer toi et moi. Et si pour une fois, on baissait les armes, les armes,

Et Jules lui-même, c'est pire encore. Il ose plus dire bonjour aux potes. Il sait pas quoi faire de son corps. Quand il est tout seul, il sanglote. Tous les midis, dès qu'il est levé, d'un air penaud et ridicule, il va voir aux objets trouvés s'il y aurait pas la bague à Jules. Tenez, l'autre soir, n'en pouvant plus, tremblant comme un calajonisse, et cachant ses gros doigts poilus, il est allé voir la police. Et là, au commissaire soufflé, il a dit tant pis, c'est régule. Monsieur le commissaire, écoutez, il y aura 10 sacs, monsieur le commissaire, 10 sacs pour le poulet, qui ramènera la bague à Jules. Et pendant ce temps-là, pas bien loin, l'imbécile qui a fauché la bague se console tout seul dans son coin de l'énormité de la blague, car sa loupe lui a révélé la vérité sur le bidule. Dans l'histoire, tout le monde est volé. Elle était fausse, la bague à Jules. Quand Bébert veut sortir sa Margot, il va pas dans les chics à boulot, où qu'on se met tout autour du garrot. Je bouffe avec mes doigts bien poissés à la crèche de chaud bois. Où ça? Là où il y a des frites, au rythme d'un orchestre qui fait des tom-tom. On s'enfile des litres, le gros bleu ça fait mieux passer les tom-tom. Un petit coin près de 5 où le patron vous pêche près d'un égout, une friture de goujon pour 100 sous, et Bébert est dans le parfum d'une usine à crottin. On y sert de la moule et du gros pain. Bébert vous le dira, à ce que c'est chouette tout ça, bien servi sur un beau papier gras. We'll be right back. Pierre veut sortir sa Margot. Il va pas dans les chics à boulot, où qu'on se mette tout autour du garrot. Une serviette, elle, il aime pas les couverts de métal, les beaux verres taillés dans du cristal. Il vous dit comme un roi, je bouffe avec mes doigts bien poissés à la graisse de chaudois. Où ça? Là où il y a des frites, au rythme d'un orchestre qui fait des pom-pom. On s'enfile des litres, le gros bleu ça fait mieux passer les pom-pom. Un petit coin près de Saint-Cloud, où le patron vous pêche près d'un égout. Une friture de goujon pour 100 sous. Et pépère, être dans le parfum d'une usine à crottin. On y sert la moule et les gros pains. Pépère vous le dira, à ce que c'est chouette tout ça, bien servi sur un beau papier gras. Allez, c'est un anecdote que l'on en a tenté.